Chapitre 7e. Rencontre. Deux jours entiers s'écoulèrent de cette manière. Madame Wyers n'apprit point qu'on fit la moindre recherche. Elle ne trouva aucun avis dans les papiers publics. Cependant, l'état de Cécile empirait de moment en moment. Elle ne voulait ni boire ni manger. Elle était continuellement dans le délire. S'écriait 20 fois par minute « Où est-il? Quel chemin a-t-il pris ?» Elle implorait cette femme, accompagnait ses prières des remontrances les plus pathétiques, pour l'engager à sauver Delville, qui lui était, disait-elle, plus cher que sa vie. Quelquefois, elle parlait de son mariage, du mécontentement de sa famille et de ses remords, priait Madame Wyers de ne pas la trahir, et promettait de passer le reste de ses jours dans la douleur et la pénitence. D'autres fois, son imagination s'égarait, et s'occupait tout entière de M. Monckton. Elle lui reprochait sa perfidie. Elle plaignait son sort, ne voulait pas lui survivre un instant, et déclarait dans son délire qu'elle prétendait que ses cendres fussent confondues avec les siennes dans un même tombeau. Quoiqu'elle fût naturellement d'un caractère paisible et doux, et parlant ordinairement fort peu, elle n'avait pas alors un seul moment de repos, et son délire, qui d'abord n'avait été que par accès, devint enfin continuel. Madame Wyers, devenant tous les jours plus inquiète, et craignant de n'être point payée de ses soins, demanda conseil à quelques-uns de ses amis sur ce qu'elle devait faire. Ils lui conseillèrent d'insérer elle-même un avertissement dans la Gazette du lendemain. Voici celui qui fut envoyé à l'imprimeur du journal de tous les jours. Démence. Une jeune dame qui a perdu la raison, grande, bien faite, le teint beau, les yeux bleus et les cheveux châtains clairs, s'est réfugiée à l'enseigne des Trois Balles, dans la rue de X, la nuit du mercredi 2e du courant, où on l'a gardée par charité. Elle était en habit de voyage. Ceux auxquels elle appartient sont priés de la venir réclamer le plus tôt possible. On en a eu grand soin. Elle a continuellement à la bouche le nom de Delville. Nota bene, elle n'avait ni bourse ni argent sur elle. Mai 1780. À peine cet avis avait-il été envoyé à l'imprimeur que M. Wyers, le maître de la maison, entrant dans la chambre, dit « À présent, nous allons en avoir deux de la même espèce, car le vieux fou est là-bas. » Ayant su par les voisins ce qui s'était passé, il demande à voir la jeune dame. « Vous ferez fort bien de le laisser monter, » répondit sa femme. « Il fréquente toutes sortes de gens, il s'introduit partout, et il fera tant de recherches qu'il parviendra à découvrir ce auquel elle appartient. » M. Wyers descendit pour le faire monter. Il ne se fit pas presser et parut tout de suite. C'était Albany, qui, dans ses courses, ayant appris qu'une inconnue dont la tête était dérangée, se trouvait chez ce prêteur sur gage, était accouru avec son empressement ordinaire pour visiter cette malheureuse et lui rendre service en s'informant de ce qu'on pourrait faire pour elle. Il la trouva lorsqu'il entra dans la chambre, allongée sur le lit, les yeux fixés du côté de la fenêtre par laquelle elle paraissait espérer de pouvoir s'échapper. Elle était dans le plus grand désordre, ses beaux cheveux épars, les plumes qui ornaient son chapeau étaient brisées et prêtes à tomber, quelques-unes lui couvraient le visage, d'autres pendaient sur ses épaules. « Pauvre femme !» s'écria Albany en s'approchant d'elle. « Depuis quand est-elle dans cet état ?» Elle tressaillit à cette nouvelle voix. Elle regarda autour d'elle, mais quelle ne fut pas la surprise d'Albany après qu'il l'eût reconnue. Il recula d'effroi. Il avança. Il avait peine à en croire ses propres yeux. Il la fixa attentivement, se tourna ensuite vers la maîtresse de la maison et, examinant tout ce qui l'entourait, il leva les mains au ciel. « Oh, triste et lamentable spectacle ! La vertueuse, la généreuse protectrice des indigents, celle qui les nourrissait, juste ciel. Se peut-il que ce soit la Cécile ? » Celle-ci, se le rappelant imparfaitement, quoiqu'elle ne l'entendît pas, tomba à ses pieds et s'écria en tremblant. « Oh, s'il est encore possible de te sauver, s'il respire encore, allez le joindre, courez après lui, vous ne tarderez pas à l'atteindre, il est dans la rue voisine, je lui ai laissé l'épée nue et tout couvert de sang. » Dieu puissant et miséricordieux, s'écria Albany, daigne regarder en pitié cette créature formée à ton image, celle qui a soulagé les malheureux, qui a consolé les affligés, celle dont les mains libérales ont changé les gémissements en cris de joie, qui n'a jamais entendu la voix de la douleur sans être attendrie. Juste ciel, serait-ce bien elle? Se pourra-t-il que ce fût Cécile? Oh, il n'est plus temps de parler, s'écria-t-elle, partez tout de suite, allez vite le trouver, ou vous ne le reverrez plus. La main de la mort s'est appesantie sur lui. Il est aussi froid que le marbre. Il rend le dernier soupir. Ô toi, dont l'épée a tranché la vie, cher Delville, cher époux massacré, toi, l'objet de tous mes vœux, tes gémissements me percent l'âme. Volez auprès de lui, et pleurez sur son sort, courez, et arrachez de sa blessure le poignard qui lui a percé le sein. » Oh, lugubres et funestes accents de l'horreur et du désespoir! S'écria le malheureux vieillard attendri, dont les larmes coulaient en abondance. Que cette vue est affligeante! Qu'elle est humiliante pour l'espèce humaine! Où est sa force? Où est sa félicité? Fragile comme nos vertus, faible et aussi peu durable que notre existence! Ah! S'écria-t-elle avec encore plus de véhémence, personne ne viendra-t-il donc à mon secours? Je suis mariée et l'on refuse de m'écouter! Ma main était donnée sous de funestes auspices. C'était une œuvre de ténèbres. Elle était scellée par le sang et ratifiée par la mort. Pauvre malheureuse, je partage toutes tes angoisses. Je me vois privée de tes secours et de tes vertus. Mes plaies se rouvrent et saignent de nouveau. Ma raison se trouble et je crains qu'elle ne m'abandonne encore. Se levant ensuite tout à coup, « Brave femme, ajouta-t-il, ayez bien soin d'elle. Je vais m'informer où je pourrai trouver ses amis. Mettez-la au lit, consolez-la. « Calmez-la, je reviendrai bientôt, aussitôt qu'il me sera possible. »« Oh, fortuné moment !» s'écria Cécile. « Il est allé à son secours. Oh, bonheur inattendu ! Il sera sauvé du glaive destructeur. » Madame Wyers obéit à l'instant aux ordres qu'elle venait de recevoir. Elle vit bien que c'était une personne de considération et qu'elle serait bien récompensée de tous les soins qu'elle lui rendrait. Cécile fut mise au lit, et l'on ne négligea rien pour donner, autant que cela était possible, un air propre à la chambre qu'elle occupait. Il n'y avait pas une heure que M. Albany les avait quittés, lorsque Marie, la femme de chambre qui avait accompagné Cécile à Londres, vint s'informer de sa maîtresse. Le vieillard, courant toute la ville pour découvrir quelques-uns de ses amis, entrait dans toutes les maisons où il imaginait qu'elle pourrait être connue. Instruit des obligations que Mme Hill avait à Cécile, il crut devoir commencer par elle. Marie, en conséquence des instructions que sa maîtresse avait laissées chez Mme Belfield, s'était déjà rendue chez Mme Hill et était encore dans la plus grande inquiétude lorsqu'Albany lui apporta des nouvelles de sa maîtresse. Elle fut aussi étonnée qu'affligée de l'altération de sa raison, du dérangement de sa santé et de la trouver dans un lit, dans un appartement si peu proportionné à sa condition et si différent de ceux auxquels elle était accoutumée. Elle pleurait amèrement en s'informant de son état, mais sa douleur fut extrême lorsque, sans lui répondre, ou sans avoir l'air de la reconnaître, Cécile, levant tout à coup la tête, s'écria « Il faut qu'on me lève. Je veux aller à la place de Saint-James. Si je reste un instant de plus, la cloche mortuaire sonnera et alors, comment pourrais-je arriver à temps pour les funérailles ?» Marie, alarmée et interdite, se tourna du côté de la maîtresse de la maison qui lui dit d'un grand sang-froid qu'elle était actuellement dans son accès et qu'il ne fallait point faire attention à ce qui lui échappait. Effrayée de ce qu'on lui disait, elle supplia Cécile de se tranquilliser et de rester dans son lit. Mais elle devint tout à coup si furieuse qu'il fallut lui faire violence pour l'empêcher de se lever. Marie, qui ne s'était jamais opposée à ses volontés, se préparait à lui obéir. Ce fut en vain que Mme Wyers voulut s'y opposer. Cécile était très excitée, et Marie obéissait, quoique ce ne fût pas sans beaucoup de peine qu'elle parvint à l'habiller. Cette opération finie, Cécile s'avança vers la porte. Marie, tremblante, l'aidait à marcher. Madame Wyers les devança pour aller chercher des porteurs. Lorsqu'il fut question de descendre l'escalier, Cécile sentit sa faiblesse. Ses jambes plièrent et la tête lui tourna. Elle l'appuya contre Marie, qui appela du secours, et la fit asseoir en attendant. Il ne fut cependant pas possible de lui faire changer de résolution. Par une opiniâtreté opposée à son caractère, elle y persista constamment. Et Marie, qui croyait ne pouvoir se dispenser de lui obéir, se contentait de pleurer, sans oser la contredire. Ses hôtes montèrent l'un et l'autre pour l'aider à la soutenir. Le mari offrit de la porter, elle ne voulut pas y consentir. Lorsqu'elle fut au bas de l'escalier, sa tête devint encore plus faible. Elle appuya de nouveau sur l'épaule de Marie, et M. Wyers fut obligé de les soutenir toutes deux. Elle persistait cependant à faire de nouveaux efforts pour avancer quand Delville parut et s'élança dans la boutique. Il venait dans l'instant de rencontrer Albany qui, quoiqu'il ignorât son mariage, savait qu'il la connaissait et lui avait appris où il l'avait laissée. Il était prêt à demander si cette maison était bien celle qu'il cherchait lorsqu'il vit son épouse, faible, tremblante, appuyée et presque porté par sa femme de chambre. Il recula d'horreur, chancela. La respiration lui manquait. Mais voyant qu'il continuait à marcher, il avance en criant avec fureur « Arrêtez, arrêtez ! Que voulez-vous faire, monstre cruel ? Prétendez-vous assassiner ma femme ?» Les accents d'une voix qui lui était si bien connue n'eurent pas plutôt frappé les oreilles de Cécile que, se la rappelant aussitôt, elle poussa un cri perçant et, faisant un dernier effort pour la joindre, elle tomba. Delville s'était précipité pour la recevoir dans ses bras et prévenir sa chute. Mais lorsqu'il vit de près son visage, son air et ses yeux égarés, son sang se glaça dans ses veines. Il la regarda quelque temps dans le silence du désespoir. Elle paraissait déjà ne plus se rappeler que c'était lui qui se trouvait auprès d'elle. Épuisée par les efforts qu'elle avait faits pour s'habiller et descendre, elle était immobile, oubliant qu'elle eut dessein d'aller plus loin et ne pensant pas même à retourner sur ses pas. Marie, qui était instruite du mariage de Cécile, pria Delville de lui prescrire ce qu'elle devait faire. Celui-ci, passant alors subitement de l'effroi à la fureur et au désespoir, s'écrie avec emportement « Sauvage, inhumain et insensible, que lui avez-vous fait ? Comment est-elle venue ici ? Qui l'y a conduite ? Qui l'y a traînée ? Par quels infâmes traitements l'a-t-on réduite à cet état ?»« En vérité, monsieur, répondit Marie, je n'en sais absolument rien. » « Je vous assure, monsieur, dit Madame Wyers, que cette dame... »« Paix, je ne veux point entendre vos impostures. Taisez-vous et sortez !» Alors, se jetant lui-même sur le plancher auprès d'elle, « Oh, ma Cécile, s'écria-t-il, où as-tu été pendant tout ce temps ? Comment t'ai-je perdu ? Quel affreux malheur t'est-il arrivé ? Réponds-moi, mon ange, lève ta charmante tête et parle-moi, que j'entende ta voix. Dis-moi quelque chose. Les reproches les plus amers, comparé à ce silence, seront une faveur. » Cécile, le regardant alors fixement, « Qui êtes-vous » s'écria-t-elle. « Qui suis-je ? » lui répondit-il, confus et effrayé. « Vous me ferez plaisir de vous en aller, » s'écria-t-elle d'un ton d'impatience, « car je ne vous connais point. » Delville, ignorant encore son délire et attribuant son empressement à lui renvoyer un sentiment d'aversion, s'éloigna d'elle. Il lui repartit tristement. « Vous avez bien raison de me méconnaître, de me refuser mon pardon, de m'accabler de votre haine et de vos reproches, et de me condamner à d'éternelles douleurs. Cette peine est encore trop légère, j'en mérite de beaucoup plus rudes. Je me suis conduit comme un monstre et je m'aborde moi-même. » Cécile, se levant alors à moitié et le regardant avec autant d'effroi que de colère, s'écria vivement. « Si votre intention n'est pas de me déchirer, de m'arracher la vie, partez sans différer. Moi ? « Vous déchirez ?» répéta Delville en frémissant. « Quelle horreur ! Mais je le mérite. N'ayez pas l'air si troublé, et je m'arracherai d'auprès de vous. Permettez seulement que j'aide à vous transporter ailleurs. Je resterai à la distance que vous m'assignerez pour vous garder, et ne vous reverrai que lorsque vous me permettrez de vous approcher. Comment ? Comment ? » s'écria Cécile d'un ton de colère et d'impatience. « Ne me direz-vous pas votre nom et d'où vous venez ? Ne me connaissez-vous pas ? répliqua-t-il encore plus concerné. « Où voulez-vous m'arracher la vie par une pareille question ? Êtes-vous chargé de quelque commission pour moi de la part de M. Monckton ? De la part de M. Monckton ? Non. Mais il vit, il se rétablira. J'ai cru que vous étiez vous-même, M. Monckton. Trop cruel, Cécile. Avez-vous donc tout à fait abandonné Delville ? Le coupable, le malheureux Delville, est-il rejeté pour toujours ? L'avez-vous banni entièrement de votre cœur ? Lui refuseriez-vous même une place dans votre mémoire ? Est-ce que votre nom serait Delville ? Que voulez-vous dire ? Est-ce moi ou mon nom que vous désavouez ? C'est un nom, dit-elle en s'asseyant, qu'il me souvient d'avoir ouï prononcer. Il me fut autrefois bien cher, et je l'ai prononcé trois fois au milieu de la nuit, quand j'ai eu froid, et que j'étais dans les souffrances. Il me soutenait lorsque j'ai été délaissé. Je l'ai répété, et ce nom m'a soulagé. « Juste ciel !» s'écria Delville. « Elle a perdu la raison. Qu'est-ce que la mort comparée à un pareil supplice ?» Marie et Madame Wyers s'empressèrent à lui rendre compte de sa maladie et de l'aliénation de son esprit, du désir qu'elle avait eu de changer de place et combien elles avaient eu de peine pour l'en dissuader. Delville ne leur fit aucune réponse, n'ayant presque pas entendu ce qu'elle lui disait. Le plus affreux désespoir s'était emparé de lui. Il contemplait dans le plus profond silence l'objet de ses espérances et de son affection réduit à l'état de dégradation le plus triste. son visage pâle et ses forces anéanties augmentaient encore ses terreurs en lui annonçant la perte prochaine et inévitable de toutes ses espérances. Une épreuve si cruelle était au-dessus de son courage. Sa raison même en fut altérée et les premières expressions de sa douleur furent des gémissements inarticulés. « Me serais-tu déjà enlevé ? » s'écria-t-il. « Aurais-je déjà perdu ma Cécile ?» Elle était insensible à ce qui se passait, et cependant, dans une agitation continuelle, elle tournait rapidement la tête de tous côtés. Ses yeux erraient à l'aventure et ne paraissaient se fixer sur rien. « Quelle horreur ! » s'écria Delville. « Quel spectacle !» Et s'adressant aux gens de la maison, il leur demanda avec colère « Pourquoi est-elle ici sur le plancher ? Ne pouviez-vous pas lui donner un lit ? Qui a soin d'elle ? Pourquoi ne lui a-t-on pas donné des secours ? Ne me répondez pas, je ne veux point vous entendre. Volez sur le champ, cherche un médecin. Amenez-en deux, amenez-en trois. Amenez tous ceux que vous rencontrerez. » Alors, détournant de nouveau ses regards pour ne point voir Cécile, dont il ne lui était plus possible de soutenir la vue, il consulta Marie sur le lieu où l'on pourrait la transférer. Comme la nuit était déjà fort avancée et que rien n'était prêt ailleurs pour sa réception, ils convinrent bientôt que le seul parti à prendre était de la reporter dans la chambre qu'elle avait déjà occupée. Delville voulut essayer de lui rendre lui-même ce service, mais tremblant et faible, il n'eut pas la force de la soulever. Ne pouvant cependant voir plus longtemps une pareille scène, il les conjura de la porter doucement et avec toutes les précautions imaginables, et la confiant à leurs soins, il courut lui-même chez un médecin. Cécile résista autant que ses forces le lui permirent. Elle les suppliait de ne pas l'ensevelir vivante et les assurait qu'elle était prévenue que leur dessein était de la renfermer dans la tombe de M. Moncton. Ils la mirent enfin au lit, où son délire augmenta de plus en plus et devint continuel. Delville arriva bientôt avec un médecin qu'il n'osa pas suivre dans sa chambre. Il l'attendit au pied de l'escalier et lorsqu'il descendit, il lui dit avec impétuosité « Eh bien, monsieur, n'y aurait-il plus d'espoir ? Serait-il impossible qu'elle vécût ?»« Elle est bien mal, monsieur, » répondit-il. « Mais je viens de donner des instructions qui peut-être... »« Peut-être ? » interrompit Delville en frémissant. « À ce mot me tue. Elle est dans un violent délire. Mais comme elle a une très grosse fièvre, cela n'est pas extraordinaire. Et l'on doit en être moins surpris. Si les remèdes que j'ai ordonnés produisent leur effet, et que la fièvre diminue, tout le reste ira bien. » Après cela, il s'en fut, laissant Delville aussi frappé d'étonnement par ses réponses alarmantes que si en le consultant, il n'eût pas soupçonné qu'elle courût le moindre danger. Dès qu'il fut un peu remis de sa consternation, il sortit de nouveau pour aller chercher d'autres secours. Il revint et ramena avec lui de nouveaux médecins. Ils confirmèrent les ordres que le premier avait déjà donnés et refusèrent absolument de s'expliquer sur la situation de la malade. Delville, désespéré et hors de lui-même, les traita tous d'ignorants et écrivit sur le champ au docteur Leicester pour le prier de venir tout de suite à Londres pour un cas des plus urgents. Quoiqu'il fût minuit, il alla lui-même chercher quelqu'un qui partit en diligence pour porter sa lettre. Étant revenu, il courait à la chambre de Cécile, mais arrivé à la porte, il s'aperçut que le délire continuait et sa terreur l'emportant sur son empressement, il se hâta de descendre et passa le reste de cette longue nuit dans la boutique.